Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu, la fuite en Égypte. Chapitre 30. Jésus, Marie et Joseph retournent d'Égypte à Nazareth par la volonté du Très-Haut. L'enfant Jésus atteignit sa septième année pendant qu'il était en Égypte. C'était le temps de ce mystérieux exil que la sagesse éternelle avait déterminé. Et il fallait qu'il retournât à Nazareth pour accomplir les prophéties. Ainsi le Père éternel déclara un jour sa volonté à l'humanité de son très saint Fils en présence de sa divine mère, dans un moment où ils vaquaient ensemble à leurs exercices, mais elle l'a connu dans le très pur miroir de cette âme déifiée, et elle vit comme elle l'acceptait pour l'exécuter. Notre grande dame l'accepta à son tour, quoiqu'elle eût déjà plus de relations et plus de personnes dévouées en Égypte qu'à Nazareth. Le fils ni la mère ne découvrirent point à Saint Joseph le nouvel ordre du ciel, mais l'ange du Seigneur lui apparut cette même nuit dans un songe, ainsi que le raconte Saint Matthieu, et lui dit de prendre l'enfant et la mère et de retourner au pays d'Israël. Matthieu 2, 19, parce que Hérode et ceux qui avaient avec lui cherché à faire périr l'enfant étaient morts. Le Très-Haut aime tellement l'ordre et la régularité dans toutes les choses créées, que l'enfant Jésus étant Dieu véritable, et sa mère si supérieure en sainteté à Saint Joseph, il ne voulut pas néanmoins que la décision du retour en Galilée vint du fils ni de la mère, mais il en remit la conduite au saint époux Joseph, qui faisait l'office de chef dans cette divine famille pour apprendre par cet exemple à tous les mortels combien il lui est agréable que toute chose soit gouvernée suivant l'ordre naturel établi par sa providence, et que, dans la vie spirituelle, les inférieurs doivent, quand même ils l'emporteraient par d'autres qualités et vertus, obéir et se soumettre à ceux qui leur sont supérieurs à raison de leurs fonctions extérieures. Saint Joseph alla incontinent communiquer l'ordre du Seigneur à l'enfant Jésus et à sa très pure mère, qui lui répondirent que la volonté du Père Céleste fut exécutée. Après quoi ils se disposèrent à partir avec toute la diligence possible, et distribuèrent aux pauvres le peu de meubles qu'ils avaient dans leur maison. Et cela se fit par l'entremise de l'enfant Dieu, car la divine mère lui remettait souvent les aumônes qu'elle destinait aux nécessiteux, sachant que l'enfant, comme Dieu de miséricorde, aimait à les distribuer de ses propres mains. Et lorsqu'elle lui donnait ses aumônes, elle s'agenouillait et lui disait « Prenez, mon fils et mon seigneur, ce que vous souhaitez de départir à nos amis et à vos frères les pauvres, Matthieu 25, 40. Quelques-unes des personnes les plus pieuses qu'il laissait à Héliopolis vinrent habiter cette maison, sanctifiée par le séjour que nos saints voyageurs y avaient fait pendant 7 ans, et consacrée en un temple par le souverain prêtre Jésus-Christ. Et ce fut la sainteté de ces personnes qui leur attira le bonheur qu'elles ne connaissaient pas, quoique le souvenir de tout ce qu'elles avaient vu et expérimenté les porta à se féliciter vivement de pouvoir vivre là où leurs saints étrangers avaient demeuré si longtemps. Elles furent récompensées de cette piété et de ces dévots sentiments par une abondante lumière et par plusieurs secours pour arriver à la félicité éternelle. Ils partirent d'Héliopolis pour la Palestine, suivis des mêmes anges qui les avaient accompagnés lors du premier voyage. Notre grande reine allait sur un petit âne avec l'enfant Dieu sur ses genoux, et Saint Joseph cheminait à pied, fort proche du fils et de la mère. Leur départ fut fort sensible à toutes les personnes qui les connaissaient, par la perte qu'elles faisaient de si grands bienfaiteurs. Et elles n'en prirent congé qu'avec beaucoup de larmes, sentant et avouant qu'elles perdaient toute leur consolation, leur secours et le remède à tous leurs maux. L'affection que les Égyptiens leur portaient était telle, qu'il leur eût été très difficile de sortir d'Héliopolis si le pouvoir divin ne leur en eût ménagé les moyens. Les pauvres gens redoutaient secrètement dans leur cœur la nuit de leur misère par l'absence du soleil qui les éclairait, Jean 1, 9, et qui les consolait dans ces mêmes misères. Nos saints voyageurs passèrent par quelques lieux habités de l'Égypte avant que d'arriver au désert, et ils laissèrent partout des marques de leur charité, parce que les merveilles qu'ils avaient opérées jusqu'alors n'étaient pas si cachées qu'elles ne fussent déjà connues dans tout ce pays. De sorte que, par suite du bruit qui s'en était répandu, les infirmes, les affligés et les pauvres allaient au-devant de leurs remèdes, et tous le recevaient en leurs âmes aussi bien qu'en leur corps. Ils guérirent beaucoup de malades et chassèrent un grand nombre de démons, sans qu'ils sussent eux-mêmes qui les précipitaient dans l'abîme, quoiqu'ils sentissent la vertu divine qui les chassait et qui comblait les hommes de bienfaits. Je ne m'arrête pas à raconter les choses particulières qui survinrent à l'enfant Jésus et à sa bienheureuse mère dans le cours de ce voyage, à leur sortie de l'Égypte. Parce que cela n'est pas nécessaire et ne serait pas possible sans allonger trop cette histoire. Ainsi il suffira de dire que tous ceux qui les abordèrent avec des sentiments plus ou moins pieux furent éclairés de la vérité, secourus de la grâce et pénétrés du divin amour, et ils cédaient à une force secrète qui les mouvait à suivre le bien, à quitter le chemin de la mort et à chercher celui de la vie éternelle. Ils allaient trouver le Fils attiré par le Père, et ils retournaient au Père guidés par la divine lumière que le Fils répandait dans leur entendement pour connaître la divinité du Père, Jean 6, 44, 14, 6, 1, 9. S'il la cachait en lui-même, parce que le temps n'était pas venu de la manifester, il ne laissait pas néanmoins de faire éprouver à chaque instant les divins effets de ce feu qu'il venait allumer et propager sur la terre, Luc 12, 49. Après que les mystères que la divine volonté avait déterminés furent accomplis dans l'Égypte, et que ce royaume eut été rempli de merveilles et de miracles, nos divins voyageurs sortirent des endroits habités et entrèrent dans le désert par où ils étaient venus. Ils y souffrirent d'autres nouvelles incommodités semblables à celles qu'ils avaient essuyées lors de leur départ de la Palestine, parce que le Seigneur les exposait toujours à la nécessité et à la tribulation, afin de les secourir dans le temps convenable, Psaume 144. Dans ces extrémités, le Seigneur leur envoyait quelquefois lui-même le nécessaire par le ministère des anges, comme dans le premier voyage, quelquefois l'enfant Jésus leur commandait d'apporter à manger à sa très sainte mère et à son époux, qui, pour jouir davantage de cette faveur, entendait l'ordre que notre adorable Sauveur donnait à ses ministres spirituels, et voyez qu'ils obéissaient avec beaucoup de complaisance et de promptitude, de sorte que le saint patriarche se consolait dans la peine qu'il avait de ne pouvoir procurer au roi et à la reine du ciel la nourriture dont ils avaient besoin. Dans d'autres occasions l'enfant Dieu, usant de la puissance divine, multipliait un morceau de pain autant qu'il le fallait. Le reste de ce qui arriva dans ce voyage ressemble à ce que j'ai rapporté du premier au 22e chapitre de ce livre, et c'est pourquoi il m'a paru inutile de le répéter. Mais, quand ils approchèrent de la Palestine, le soigneux époux apprit qu'Archélaü régnait en Judée au lieu d'Hérode son père, Matthieu 2, 22, et, craignant qu'il n'eût hérité de sa cruauté contre l'enfant Jésus aussi bien que du royaume, il prit un autre chemin, et, sans passer à Jérusalem ni même entrer dans la Judée, il traversa le territoire de la tribu de Dan et de celle d'Issachar jusqu'à la Galilée inférieure, en longeant les côtes de la mer Méditerranée, et en laissant Jérusalem à main droite. Ils se rendirent à Nazareth, leur patrie, parce que l'enfant devait être appelé Nazaréen, Ibidem 23. Ils y trouvèrent leur ancienne et pauvre maison sous la garde de cette sainte femme, parente de Saint Joseph au troisième degré, qui, comme je l'ai dit au troisième livre, chapitre 27, s'empressa de venir le servir lorsque notre reine était chez Sainte Élisabeth. Et quand ils partirent de Judée pour aller en Égypte, le Saint-Époux lui écrivit de prendre soin de la maison et de ce qu'ils y laissaient. Ils trouvèrent tout en fort bon état, et cette femme les reçut avec beaucoup de joie et de consolation, à cause de l'amour qu'elle portait à notre auguste princesse, quoiqu'elle ignorât alors sa dignité. La divine dame y entra avec son très saint fils et son époux Joseph, et incontinent elle se prosterna pour adorer le Seigneur et pour lui rendre des actions de grâce de ce qu'il les avait conduites dans le lieu de leur repos, et délivrées de la cruauté d'Hérode et des périls d'un si long voyage, et surtout de ce qu'elle venait dans sa maison avec son très saint fils, déjà si grand, si plein de grâce et de vertu, Luc 2, 49. La très heureuse mère régla ensuite ses exercices par la disposition de l'enfant Dieu. Ce n'est pas qu'elle se fût relâchée en la moindre chose dans le voyage, car elle n'avait pas cessé de rendre ses actions aussi parfaites que possible, à l'imitation de son très saint fils, mais, une fois tranquille dans sa maison, elle avait le moyen de faire plusieurs choses dont elle avait dû se dispenser ailleurs, quoique par tout le plus grand soin qu'elle eût fût de coopérer avec son adorable fils au salut des âmes, qui était la grande affaire que le Père éternel avait recommandée. C'est pour cette très haute fin que notre reine disposa ses exercices avec le Rédempteur, et il s'y livrait, comme nous le verrons dans la suite de cette seconde partie. Le Saint-Époux Joseph régla aussi ce qui concernait son office et ses occupations de manière à gagner par son travail la nourriture de l'enfant Dieu, de la mère et la sienne. Aussi le bonheur de ce saint patriarche fut-il si grand, que si c'est un châtiment et une peine pour les autres enfants d'Adam d'être condamnés à gagner leur subsistance par le travail de leurs mains et à la sueur de leur visage, Genèse 3, 19. C'était néanmoins pour Joseph une bénédiction, une faveur et une consolation incomparable d'être choisi pour gagner par son travail de quoi nourrir l'enfant Dieu et sa mère, à qui le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme appartenaient, Esther 13, 10, 11. La reine des anges voulut se charger de récompenser l'active sollicitude de son époux, et pour lui marquer sa reconnaissance elle le servait, et préparait son frugal repas avec les soins les plus empressés et les plus délicats, et avec une complaisance sans égale. Elle lui obéissait en tout, et se regardait, non point comme son épouse, et, ce qui plus est, comme mère du Créateur et du Maître de l'univers, mais comme son humble servante. Elle se réputait indigne de tout ce qui y avait l'être, et même de la terre qui la soutenait, parce qu'elle se persuadait qu'en bonne justice tout lui devait manquer. Et sachant qu'elle avait été tirée du néant sans avoir pu mériter ce bienfait de Dieu, ni ensuite, suivant son opinion, aucun autre, elle établit si solidement sa rare humilité, qu'elle était toujours abîmée dans ce même néant, et encore plus bas dans sa propre estime. Pour chaque bienfait, quelque petit qu'il pût être, elle rendait avec une sagesse admirable mille actions de grâce au Seigneur, comme au premier auteur de tout bien, et elle en remerciait les créatures, comme étant les instruments de son pouvoir et de sa bonté, les unes parce qu'elles lui prêtaient leur concours, les autres parce qu'elles le lui refusaient, ou de ce qu'elles la souffraient. De sorte que, se croyant redevable et inférieur à toutes, elle les comblait de bénédictions, et cherchait par toutes sortes de moyens et d'industries à ne laisser jamais échapper aucune occasion de pratiquer en toutes choses ce qu'il y a de plus saint, de plus parfait et de plus sublime dans les vertus, et c'était avec tant de ferveur qu'elle faisait l'admiration des anges, et se rendait très agréable au Seigneur. Instruction que la reine du ciel me donna. Ma fille, jamais je ne me troublais, jamais je ne m'affligeais des dispositions que le Très-Haut a prises à mon égard, en me faisant voyager de pays en pays, de royaume en royaume, car j'étais toujours prête à accomplir en toutes choses sa sainte volonté. Et quoique sa divine majesté me fît connaître les très hautes fins de ses dispositions, elle ne le fit pourtant pas toujours dans les commencements, afin que je souffrisse davantage, et pour montrer que la créature ne doit pas chercher d'autre motif à sa soumission, sinon que c'est le Créateur qui ordonne tout et qui dispose de tout. Les âmes qui n'ont point d'autre intention que de plaire au Seigneur se soumettent à ses ordres par cette seule réflexion, sans faire aucune distinction entre les événements favorables et les événements fâcheux, et sans écouter ce que peuvent leur suggérer leurs propres inclinations. Je veux, ma fille, que vous vous avanciez dans cette science, et que vous receviez les prospérités et les adversités de la vie mortelle avec un même visage et avec tranquillité d'esprit, à mon imitation, et en vue des grandes obligations que vous avez à mon très saint fils, sans que les unes vous remplissent d'une vaine joie, ni que les autres vous attristent, persuadés que le Très-Haut règle tout pour son bon plaisir. La vie humaine n'est qu'un tissu de ces divers événements, les uns qui plaisent aux mortels, les autres qui les affligent, les uns que l'on craint, les autres que l'on désire. Et comme le cœur de la créature est toujours faible et borné, il arrive qu'elle ne garde point un juste milieu entre ses extrémités, car elle accueille avec un enthousiasme excessif ce qu'elle aime, ce qu'elle désire. Et tout au contraire, elle se décourage et se désole lorsqu'il lui survient quelque chose qu'elle aborde et qu'elle voudrait pouvoir repousser. Ces changements et ces agitations mettent toutes les vertus dans le plus grand péril, parce que l'amour désordonné que l'on a pour une chose quelconque qu'on ne peut acquérir, fait qu'on en souhaite aussitôt une autre, cherchant dans de nouveaux désirs le soulagement de la peine que cause la privation de ceux dont on a été frustré, et si on l'obtient, on se laisse enivrer de la vaine satisfaction qu'on a de posséder ce que l'on souhaitait, de sorte que cette multitude de désirs jette la créature dans un désordre toujours plus grand de mouvements confus et de passions différentes. Or évitez, ma très chère fille, ce danger, et coupez le mal dans sa racine, en conservant votre cœur dans une complète indépendance, uniquement attentif au dessein de la divine providence, sans le laisser pencher vers les objets qui l'attirent, sans le laisser se détourner de ceux qui lui inspirent de la répugnance. Réjouissez-vous seulement en la volonté de votre Seigneur, ne vous laissez ni emporter par vos désirs, ni abattre par vos craintes, quoi qu'il vous arrive. Et faites en sorte que ni les occupations extérieures ni le respect humain n'empêchent et ne dérangent vos saints exercices. Observez en toutes choses ce que je faisais, et suivez mes traces avec une diligente ferveur. Extrait du livre 4e, tome 3, Pousielgue Rusan 1857, markemdanarchive.org 2023, d'après Books Google FR et Archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.